Nashville Predators off to a good start with the Dallas Stars. Two assists. Score! It's Sammy Girard! His first NHL goal off the faceoff! And we're tied! How about the kid? 19 years old. Soirée historique hier pour Samuel Girard de Roberval. Il a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey hier. Samuel Girard qui a marqué en avantage numérique sur une passe de Piqué Subban. Donc, Girard qui a été élu la première étoile de la rencontre. Il a joué 21 minutes 25. Il faut dire que le joueur natif de Roberval sera certainement très, très difficile à déloger de l'alignement. Et puis, c'est une question de Samuel Girard. Évidemment, les retombées sont importantes à Roberval. Les réactions sont majeurs à Roberval, évidemment. C'est une grande fierté. Et ce matin, sur les ondes de DanRadioSport.com, le président du hockey mineur de Roberval, Hugo Maltin, a évidemment parlé de l'impact possible de Samuel Girard chez les jeunes dans le hockey mineur. Il va sûrement avoir un impact sur les jeunes. C'est sûr qu'on entend parler. Puis, beaucoup, j'imagine. C'est correct. Ben oui, c'est bon. On entend beaucoup parler par les jeunes de notre âge, là, parce qu'on suit ça, puis les jeunes de Roberval suivent ça. Là. Au niveau des jeunes, est-ce que les jeunes suivent Samuel Girard? Ben, ils n'entendent parler, ça c'est clair. Là. C'est sûr que c'est là, présentement, c'est le sujet de sujet de discussion, probablement. Un des sujets, c'est pas le sujet le plus connu, le plus parlé à Roberval. C'est clair que les gens suivent ça. Les gens qui sont mordus de sport suivent ça. Puis on est tous là, contents pour Samuel parce que tout le monde par Facebook, parce que tout le monde avec les réseaux sociaux maintenant qu'on a, c'est maintenant facile de voir. Avoir accès à ça, tu sais, je veux dire, hier, après le premier but de Samuel, ben, 5 minutes après, tu sais, toutes les vidéos sur Facebook étaient sorties, puis la famille à Samuel, c'est une famille nombreuse à Roberval. Fait que c'est sûr que tout le monde voit ça, tout le monde commente ça, puis tout le monde est bien content, là, de ce qui arrive, là, à Samuel. Comme on le dit, là, c'est rare qu'un petit gars de Roberval, ben, percé dans la Ligue nationale, fait que c'est clair, là, que pour nous autres, là, c'est un bel événement. Hugo Maltin s'attend des retombées plus à long terme? Probablement pas à court terme, c'est sûr. OK. Je pense éventuellement à long terme. Je pense qu'à long terme, c'est sûr que ça ne peut pas. C'est impossible que ça nuise. Non. Peu importe le sport, que si c'est un champion olympique de n'importe quelle discipline, ben, quand il va revenir dans son coin, c'est sûr que ça attire les jeunes, puis les jeunes sont portés à aller essayer ce sport-là. Je pense que c'est éventuellement, il y aura peut-être une influence par rapport à ça avec l'implication de Samuel dans la Ligue nationale, c'est clair. Là. Je te donne un exemple, l'été prochain, il vient passer une semaine à Roberval, ou deux à Roberval, ben les gens vont. On va parler de Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais qui a bien fait lors de la dernière Coupe du monde de patinage de vitesse sur contre-piste. C'est un petit peu replombé suite à sa première fin de semaine où ça a été un petit peu plus difficile. Marianne qui a expliqué les raisons pourquoi elle a décidé de compétitionner seulement aux 500 mètres. Raison un peu différente, étant donné la commotion et tout ça. Donc, on voulait vraiment y aller progressivement, étape par étape. Pas que j'ai des syndromes de commotion, mais dû à la commotion, j'ai raté les sélections olympiques. Puis l'entraînement, ça a été vraiment plus difficile dans les derniers mois. Donc, on voulait être certain de repartir sur une bonne note, puis pas d'en faire trop, puis étirer ça jusqu'au jeu, tu sais. Okay. C'est pour ça qu'on est allé plus tranquillement. Puis, tu sais, déjà la fin de semaine d'après, je suis retournée à mes deux distances habituelles. Fait que fait quoi? C'était essentiellement pour... Yann qui a parlé en terminant de la compétition au relais aux 3000 mètres de l'équipe canadienne. Honnêtement, la finale qu'on a fait en Hollande, honnêtement, what a the final. Là, pour nous, on est capoté. On était première avec un tour à faire. Fait que il nous reste déjà à peaufiner. Ce qu'on a travaillé en entraînement dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça prouve qu'on est vraiment sur la bonne piste. Moi, je crois alors, j'y ai toujours cru, mais avec ce qu'on a livré comme performance en fin de semaine passée, j'y crois de plus en plus. Okay. J'espère que les membres de mon équipe sont sur la même longueur d'onde que moi parce que c'est vraiment possible. On a vraiment bien tiré notre épingle du jeu, on a bien joué. Maintenant, on est capable de bien jouer avec l'adversaire. Les courses sont rapides, mais on est sharp. Fait que non, oui, c'est une troisième place. Termine avec du basketball dans la Ligue senior. Les anciens hier du Noir hier ont vaincu les anciens de Séminaire 85-39. 17 points pour François Corriveau. Et chez les anciens de Séminaire, le meilleur pointeur a été Hassem Hadji avec 11 points. Et mercredi, ben, la Voile haltée a battu Bagotville 80-36. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Plusieurs entrevues encore hier. Hier, on a parlé d'abord dans un premier temps avec William Saint-Pierre des Gaillards de Jonquage, mais c'est également entretenu aussi avec plusieurs intervenants. Benoît Lavoie qui nous parle de la qualification canadienne ou la qualification de la Coupe du monde de soccer qui s'est soldée cette semaine. Les États-Unis qui ont éliminé l'Islande qui a été qualifiée. Benoît Lavoie vient nous en parler. Et également, vous pouvez écouter Marianne Saint-Gelin aussi hier sur les ondes de danadosport.com, de même que Robin Bouliane. Le sport local et régional à danadosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.